Eckhart Tolle a dit que aimer, c'est se reconnaître en l'autre. Le but de cette méditation est de cultiver l'amour pour soi-même et autrui. Essaye de visualiser ton visage. Puis essaye de visualiser ton corps tout entier. Et imagine que tu as un super pouvoir, comme si tu étais un X-Men ou un bisounours. Tu peux faire jaillir de ton cœur une lumière magique et bienveillante. Une lumière qui apporte de l'amour et de la joie à toute personne qu'elle touche. Maintenant, essaye de t'envoyer tout l'amour que tu peux et imagine que cette lumière vient t'envelopper. Et souhaite-toi silencieusement que je sois heureux, que je sois en bonne santé, et que mes rêves se réalisent. Que je sois heureux. Que je sois en bonne santé. Et que mes rêves se réalisent. Maintenant, pense à un ami qui t'est cher, quelqu'un que tu aimes, et visualise cette personne. Et ici et maintenant, avec ton super pouvoir, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux. Et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent. Pense à une personne neutre, telle qu'un collègue ou ta boulangère par exemple. Choisis une personne et ici et maintenant, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux. Et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent. Pense maintenant à une personne avec qui tu ne t'entends peut-être pas très bien. Peut-être quelqu'un avec qui tu as eu un conflit. Choisis une personne. Et ici et maintenant, avec ton super pouvoir, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux. Et même si c'est un petit peu difficile, souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent. Maintenant, pense à une personne qui souffre, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu ne connais pas. Choisis une personne et visualise-la. Et ici et maintenant, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux. Et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent. Enfin, pense à un membre de ta famille que tu aimes ou à une autre personne telle qu'un ami qui t'est cher. Choisis une personne et visualise-la. Et ici et maintenant, essaye de lui envoyer tout l'amour que tu peux. Et souhaite-lui silencieusement que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé et que tes rêves se réalisent. Maintenant, imagine que toutes ces personnes sont réunies. Les deux personnes que tu aimes, la personne neutre, la personne avec qui tu ne t'entends pas bien, la personne qui souffre, et toi-même. Et ici et maintenant, envoie tout l'amour que tu peux à ce groupe. Et souhaite au groupe que nous soyons heureux, que nous soyons en bonne santé et que nos rêves rêve se réalise. Visualise ensuite que la lumière bienveillante qui sort de ton cœur vient envelopper tes voisins. Puis toutes les personnes de ton quartier. Toutes les personnes de ta ville. Toutes les personnes de ton pays. Et enfin, toutes les personnes du monde entier. Maintenant, relâche cette lumière et essaye simplement de ressentir comment tu te sens dans ton corps. Et encore une fois, avant de terminer la méditation, essaye de ressentir ton humeur du moment, comme si tu inspectais tes émotions de l'extérieur. Essaye le plus possible de garder la sensation de sérénité que tu as ressentie pendant cette méditation, tout au long de la journée. Et quand tu seras prêt, tu pourras progressivement sortir de la méditation et doucement prendre conscience de tout ce qui t'entoure, tels que les bruits autour de toi, le poids de tes vêtements sur ton corps et bien sûr toutes les couleurs qui t'entourent. J'espère que cette méditation t'a été agréable. À bientôt.